FrenchPod.com. Tu ne vas jamais me croire, Arthur, mais je viens d'apercevoir ta voisine en petite tenue sur son balcon. Avec le temps qu'il fait depuis le début de l'hiver, elle se pavane ainsi tous les jours comme si on était en plein été, au point que ça me laisse de marbre. C'est vrai qu'il fait anormalement chaud. Ce n'est donc pas des blagues, ces histoires de réchauffement climatique. On dirait que non. Hier, je suis tombé sur une émission qui présentait les principaux signes de cette transformation, déjà tangible à l'heure actuelle. Je ne te dis pas comment j'ai flippé. Je l'ai vu aussi. Les journalistes ont bien tout détaillé. Le réchauffement des océans, la fonte de la banquise, l'élévation du niveau de la mer, les cyclones tropicaux, le recul des glaciers de montagne. C'est pas rassurant tout ça. À qui le dis-tu ? Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. D'autant plus que les êtres humains sont responsables. Nous n'avons pas affaire à un réchauffement planétaire identique à ceux que la Terre a connus précédemment. C'est clair. Les scientifiques estiment que les océans et les forêts ne peuvent absorber que la moitié du gaz carbonique que l'humanité rejette dans l'atmosphère. Il faut que nous réduisions les émissions de gaz à effet de serre, comme cela a été décidé lors de la signature du protocole de Kyoto, ratifié par de nombreux pays, en utilisant les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, la géothermie ou encore le vent, au moyen des éoliennes. Et gardez le moral, car je persiste à croire que nous avons les moyens d'inverser la tendance.